إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous sommes arrivés au sixième grand chapitre. An-nuqtatu as-sabi'a. An-nuqtatu as-sabi'a. Le sixième grand point. Dhikru ba'di simati wa ma'alimi al-manhaj as-salafi aw as-salafiyya. Donc, citation, rappel sur certains repères, certains caractéristiques, un point qui caractérise la méthodologie, la voie salafi ou la salafia. تقرر مما مضى. السادسة. نعم. السادسة. النقطة السادسة. Ah, طيب. النقطة السادسة. C'est le sixième grand point. تقرر مما مضى أن السلفية هي الصراط المستقيم. Donc nous avons bien vu, d'après tous les cours précédents, qui a été cité précédemment, que la salafia, c'est la voie droite, c'est le droit chemin. Et ça, c'est une réalité. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé sur un seul chemin, et le même chemin. Celui qui est dedans, celui qui chemine dans ce chemin, il est dans la droiture, dans le droit chemin et dans la voie droite. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc, ce n'est pas la peine de perdre son temps avec des perturbateurs qui viennent vous dire hein, « Mais les salafis, ils pensent que c'est les seuls qui sont dans le droit chemin. » Qu'allez-vous dire aux chrétiens, aux juifs, aux bouddhistes, aux hindous, aux païens, idolâtres, quelconques, qui viendront vous dire « Alors comme ça, il n'y a que les musulmans qui seront sauvés. Il n'y a que l'islam comme vraie religion. » Si cette question, elle était vraie, pourquoi là ne le serait pas ? Subhanallah. Donc il est sûr de lui de dire que l'islam est la véritable religion par rapport à toutes les autres doctrines religions. Et à l'intérieur de l'islam, il est incapable de dire qu'il y a parmi toutes les tendances une seule qui est vraie et qui est conforme à ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, il se trouve dans la gêne de le reconnaître. C'est qu'il a un problème, cette personne. Et c'est à lui de résoudre son problème. Le chemin, il est clair pour celui à qui Allah lui a donné la bonne vue. Mais celui à qui Allah lui a mis un voile, nul ne peut l'enlever ce voile, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, tu ne trouveras personne pour le guider en dehors d'Allah azza wa jalla. Man salakaha naja. Celui qui l'entreprend, qui suit ce chemin droit, il sera sauvé. Wa man tarakaha dalla wa ghawa wal iyad billah. Et celui qui délaisse, qui n'entreprend pas ce chemin, qui ne le suit pas, alors il s'égare et il dévie du droit chemin. Qu'Allah nous en préserve. Lida. فلهذا المنهج المبارك ولهذه الدعوة المباركة جملة كبيرة من المزايا والسمات البارزة. C'est pour cela que cette méthodologie bénie, cette voie bénie et ce prêche béni comporte en son sein un certain nombre de caractéristiques, repères qui sont apparents et bien clairs. وَهِيَّ بِخْتِصَارِ Et ce sont ces points, ces caractéristiques, ces repères, en résumé, سِمَاتُ وَمَعَالِمُ دَعْوَتِ وَمَنْهَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأصحابه من بعده لا غير. Et c'est, en résumé, les repères, les caractéristiques, les points distinctifs du prêche, de la voie, de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. Rien d'autre. Donc, as-salafiyya, c'est l'islam authentique. Attention aux perturbateurs qui viennent avec des ambiguïtés issues de la polémique. Un bon musulman s'éloigne complètement de la polémique. Il va se perdre s'il entre dedans. Et comme l'a bien précisé le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque alayhi salatu wassalam, il a récité le verset en disant La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ Puis il dit فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ Dans le sens du verset coranique, c'est lui qui a fait descendre le livre des versets coraniques qui comportent certains versets qui ne prêtent pas équivoque, qui ne peuvent avoir qu'une seule explication. Aucune autre explication ne vient à l'esprit. Et d'autres versets qui prêtent à équivoque, qu'on pourrait expliquer de plusieurs façons, manières. Et le prophète s'assemble de dire, lorsque vous verrez, ceux qui vont s'attarder, ceux qui vont suivre, vont se contenter de ceux qui prêtent à équivoque. Les voilà ceux nommés par Allah. Les voilà ceux qui sont cités par Allah. Méfiez-vous d'eux. Il nous met en garde contre ces gens-là. Et vous verrez que les gens de l'innovation et de l'égarement, ils tournent autour des textes qui prêtent à équivoque. En pensant que ces textes-là leur donnent raison. Donc, le prophète nous demande quoi ? De s'en éloigner de ces gens-là, de s'en méfier. Donc, ils viennent vous embêter en vous disant « Yarhamukallah ». Allah nous a appelés soumis, muslimin. Sammakumul muslimin. Pourquoi on dit autre chose ? Le genre de personne qui ça ne lui a jamais fait de problème d'entendre d'autres noms que musulmans. Mais d'entendre le mot sunna, salafiyya, ahlul hadith, ahlul athar, toutes ces terminologies qui viennent distinguer les gens du vrai des gens du faux, là ça le dérange. Là il a un problème, là il a un souci avec. Et il essaie de détourner les gens d'une manière ou d'une autre. Et donc il leur dit, Allah il nous a dit seulement de se dire musulman. Taïb, lorsqu'il n'y aura plus de sectes égarées et qu'on ne parlera plus que du même islam seulement, l'islam authentique, à ce moment-là, ça nous suffira de dire musulman et croyant. Mais tant qu'il y a des noms au nom de l'islam et de la croyance, ils sont déviants. Ils ne représentent pas le véritable islam, les gens de la vérité sont obligés de se distinguer. Et à l'époque même, à la fin de l'époque des Sahaba, on employait le terme Ahlul Sunnah wal Jama'a par rapport à Ahlul Bid'a wal Furqa. On employait ce terme pour distinguer. Puis, lorsque des gens ont essayé d'une manière ou d'une autre de s'approprier le mot Ahlul Sunnah, jusqu'à que beaucoup de gens pensent que tous ceux qui ne sont pas Rawafid, qui ne sont pas Rafidi, qui ne sont pas chiites, ce sont des Ahlul Sunnah. Donc ils disent le monde sunnite et le monde chiite, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas que le chiisme qui est dans l'égarement. Il y a plein de sectes dans l'égarement. Subhanallah, il y a plein de sectes qui sont dans l'égarement. En dehors des chiites, il y a plein de sectes qui sont dans l'égarement, plus ou moins éloignés de la droiture. Et tant qu'il y a la présence de ces tendances égarées, il faut que les gens de la vérité se distinguent. Il faut qu'ils se distinguent. Donc la personne, elle va, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il explique à une personne, tu es quoi? Il dit, je suis musulman. Oui, mais tu es musulman, quoi? Tu es chiite, tu es sunni, Non, je suis sunni. Tayyib. Et dans tous ceux qui se disent sunni, comment tu te distingues? Il dit, je suis le Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et il lui a dit, bah alors résume toute cette phrase que tu viens de dire en disant le mot salafi. Voilà. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Pas comme certains hein, qui essayent de vous détourner de la droiture. Le pire, c'est quand des gens, ils viennent défendre des prêcheurs. En disant, mais pourquoi lui, il n'est pas salafi? Mais lui-même, il le dit. Subhanallah. C'est lui-même qui le dit. Je ne parle même pas de ceux qui défendraient quelqu'un qui essaie de montrer ou qui veut prouver qu'il est salafi. Je parle de, il défend des gens, pourquoi vous dites qu'il n'est pas salafi? Alors que lui-même, il le dit. Et il combat l'appellation salafi. Et ils en arrivent même à vouloir lui dire, c'est comme s'il lui disait à lui-même, tu te trompes, tu es salafi. Il dit, non, je ne le suis pas. C'est lui-même qui le dit, subhanallah. Les gens dans quoi ils rentrent, subhanallah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc, comme les ulama de la sunna l'expliquent bien, plus il y a de l'égarement et plus il faut détailler la distinction. On est obligé pour éclaircir les choses aux gens. Eh bien, se différencier des gens de la déviation. فَمِنْ مَعَالِمِ وَسِمَاتِ هَذَا الْمَنْهَجِ أَوْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ Parmi ces repères, ces caractéristiques de ce manhaj et de ce prêche salafi, awwalan, premièrement, tahqiq al-ubudiyyah lillah jalla wa ala, concrétiser, réaliser la servitude à Allah azza wa jalla, l'adoration d'Allah azza wa jalla. C'est-à-dire de l'adorer seul, sans rien lui associer. Lui vouer un culte exclusif réservé à lui seul. Personne en dehors du Créateur n'est en droit ou ne mérite une quelconque dévotion, une quelconque adoration. C'est lui seul, subhanahu wa ta'ala. Aucune créature, et quelle que soit cette créature, ne mérite d'être adorée. Il est le seul créateur, il n'y a pas de créateur, un seul. Et tout ce qui est en dehors de lui est une créature. Et aucune créature n'est en droit d'être adorée ou ne mérite l'adoration. Ça, c'est le point essentiel auquel appellent les gens de la salafie, les gens de la sunna. C'est d'appeler les gens à quitter la servitude ou l'adoration à donner à quiconque, qu'ils donnent à quiconque, pour la réserver exclusivement à leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Et la voilà la véritable liberté. Le libre, c'est celui qui s'est détaché de toute adoration, toute dévotion donnée à une quelconque créature. Et il ne réserve cela qu'à son créateur, lui seul, l'unique, subhanahu wa ta'ala. N'est pas véritablement libre, celui qui est toujours dans la servitude des créatures. D'une manière ou d'une autre, dans l'adoration des créatures. Et c'est celui qui voue un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Il s'est libéré de toutes les créatures. Et il dévoue son adoration, sa dévotion à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Personne en dehors de lui ne mérite une quelconque adoration, même pas un ange rapproché et même pas un prophète envoyé. Que dire en dehors de ces créatures qui sont les meilleures des créatures. Tayyib. Thaniyan, et ça c'est un problème de tous les jours, de tous les instants de la vie. Déjà, la personne pour elle-même, elle craint de tomber dans l'idolâtrie, de tomber dans le polythéisme. Donc c'est un travail de tous les jours pour que ses œuvres, elles soient sincèrement accomplies pour Allah Azza wa Jal. Et que rien dans ses adorations, même pas une partie de ses adorations, soit vouée à autre que Allah Azza wa Jal. C'est un travail de tous les jours. De tous les jours. Et personne, celui qui croit qu'il est à l'abri, c'est celui-là qui est à craindre pour lui. Chacun doit craindre pour sa personne. Ibrahim alayhi salam, l'intime d'Allah Azza wa Jal, il demande à Allah de le préserver de tomber dans le polythéisme, lui et sa descendance. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Il le demande. Il demande à sa descendance, à ses enfants, il les réunit, ne mourrez. Yaqub alayhi salam, lorsqu'il réunit ses enfants, ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc, c'est important. Yusuf alayhi salam, vous connaissez son ascendance, prophète. Fils de prophète, fils de prophète, fils de prophète. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, alayhi salam. Lui-même prophète et une lignée de prophètes. Et il demande à Allah de le faire mourir en tant que soumis. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir en tant que soumis et ressuscite-moi avec les vertueux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Aisha radiallahu anha, elle dit que parmi les du'as qu'il répétait souvent, « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » « Oh toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. » Il demande à Allah Azza wa Jal de ne jamais le laisser à sa propre personne, même pas le moment du clignement de l'œil, même pas ce bref instant. « Wa la takilni ila nafsi tarfata'ayn. » Et tu vois des gens qui se croient à l'abri. La personne, elle doit craindre Allah Azza wa Jal. Il ne sait sur quoi il va quitter ce monde. Comme disait As-Salaf, « Man kana mustannan, fal yastan bi man qad mat, fa innal hayy la tu'man alayhi al-fitna. » Celui qui veut suivre, qu'il suive les défunts, ceux qui sont morts dans le droit chemin. On sait sur quoi ils sont morts. Car le vivant, on ne sait s'il sera à l'abri d'une quelconque fitna, d'un quelconque trouble ou d'une quelconque discorde. On ne sait sur quoi elle va mourir. Et les œuvres ne valent que par leur finalité. Ce sur quoi elle va mourir la personne. Une personne il peut être dans le droit chemin et à une distance d'une coudée du paradis, il commet l'action des gens de l'enfer et au final il va en enfer. Et la personne agissait comme les gens de l'enfer, faisait les actions des gens de l'enfer, jusqu'à qu'il y ait entre lui et l'enfer que la distance d'une coudée. Le livre le précède, il fait l'action des gens du paradis et il entre au paradis. Il faut te demander à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal de raffermir. Le raffermissement, il faut le demander à Allah Azza wa Jal. Et beaucoup de personnes, ce qui les a perdus, parmi les raisons, c'est cette confiance en soi et de considérer que c'est eux. Et que c'est le fruit de l'or, et ainsi de suite. Ça, c'est un problème. Et ils oublient celui qui guide et celui qui égare, et celui qui détient les cœurs, subhanahu wa ta'ala. Ils oublient beaucoup de choses. Ils appellent à leur propre personne. Comment une personne, il peut embêter le public en parlant de ses problèmes du haut du mimbar, en parlant de ses problèmes dans un cours? Les gens, ils sont venus pour ça. Ceux qui sont venus pour ça, ils n'ont rien compris. Depuis quand on va à la mosquée pour écouter les problèmes d'un tel ou un tel? Subhanallah. Ils viennent, les gens, c'est pour le rappel d'Allah Azza wa Jal. Les gens, ils viennent pour écouter une exhortation. Les gens, ils ont besoin que le cœur soit nourri. Subhanallah. Il a besoin d'être approvisionné. Le ventre, vous savez où vous allez pour vous approvisionner. Hein? Mais le cœur, il en a besoin. Subhanallah. Donc, si les moments où il doit être approvisionné, il n'est pas approvisionné convenablement. Il ne faut pas s'étonner du résultat. Subhanallah. Et on appelle à Allah par nos propres personnes. Ad'ou ila Allah ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Le prophète, sallam, Allah lui dit, j'appelle vers cette voie. Moi et ceux qui m'ont suivi, j'y appelle à Allah, azza wa jal. Pas à quelque chose d'autre, ni à sa propre personne. Il faut faire attention. Et c'est là un des grands problèmes du sectarisme. C'est que cette sincérité envers Allah, elle est remise en cause. Cette sincérité envers Allah, elle est remise en cause. Il y a une sincérité, mais pas envers Allah, envers le parti, envers la secte. On est prêt à tout, soi-disant pour les intérêts du groupe ou de la secte ou du gourou. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est un culte exclusif réservé à Allah Azza wa Jal. Et voilà la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Il n'y a pas de divinité. Personne ne mérite une quelconque adoration. C'est une négation ferme, totale. Illa, article d'exception, sauf seulement celui qui va être cité après. Sauf Allah, Azza wa Jal, lui seul. La ilaha illallah. Donc, celui qui la formule et qui l'a comprise, il ne voue qu'un culte exclusif à Allah, Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. En rien, cette parole, elle s'arrête seulement à la seigneurie. La seigneurie, elle est là. Mais la seigneurie, personne ne l'a remis en cause. Personne ne l'a remis en cause. Même les polythéistes, les idolâtres, ils reconnaissent la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Ils savent que c'est Allah qui a créé, qui pourvoit, qui donne la vie, qui donne la mort. Ils ne remettent pas ça en cause. Mais seulement pour se rapprocher d'Allah, ils se permettent de vouer des cultes à d'autres que Allah Azza wa Jal. Par prétexte qu'ils ne le font que pour que ces intermédiaires les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Mais bien qu'ils aient soi-disant un prétexte, cela est refusé. Ce n'est pas accepté et au final, ils sont dans l'idolâtrie et dans le polythéisme. Et ils ne sont pas musulmans, même s'ils ont la reconnaissance de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Quraysh savait qu'Allah existe. Et ils reconnaissaient l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Mais dans l'adoration, dans la signification de la ilaha illallah, ils adoraient d'autres divinités. Donc, quand l'établir, ils viennent, ou on appelle à Allah, puis ils vous disent sur la ilaha illallah que la seigneurie, ils vous trompent dans la base même, la clé de l'islam. Qu'attendez-vous d'eux dans les autres questions? Subhanallah. Parfois, ils te disent, oui, mais on a sorti des gens de l'égarement. Si ce sont des gens qui sont de base musulmans, mais ils font des péchés, ils étaient peut-être dans des bars, ou ils traînaient dans la rue, ou alors ils n'étaient pas assidus à certains préceptes religieux, mais ils étaient tout le temps musulmans, ils étaient toujours au sein de l'islam. Ils étaient mieux que maintenant, parce qu'ils péchaient et ils savaient qu'ils n'étaient pas bien, et ils savaient que leurs agissements n'étaient pas bien. Et à tout moment, ils peuvent revenir à Allah Azza wa Jal. Ils ont des remords. Subhanallah. Et là, vous en avez fait des innovateurs qui ne veulent pas revenir. Et qui ne veulent pas revenir à la droiture. Vous les avez fait quitter, peut-être qu'ils étaient monothéistes, mais avec des manquements, des négligences et des délaissements d'obligations. Et peut-être vous les avez amenés dans l'idolâtrie et dans le polythéisme, alors qu'ils en étaient à l'abri auparavant. Il y a un homme parmi les salafs, un imam des salafs, j'ai oublié son nom, il rencontre un homme qui est devenu chiite, rafidi. Il lui dit, oh, un tel, viens voir. Je me rappelle de toi. Avant, tu volais les ânes. Tu volais des ânes aux gens. Il a dit oui. Il lui a dit retourne, continue à voler des ânes, c'est mieux pour toi que ce que tu es devenu. Retourne à ta fonction que tu avais avant. Continue à voler les gens des ânes. Laisse tomber ce sur quoi tu es maintenant. Tu es devenu un rafidi. Al-iyad billah. Subhanallah. Et ça, wallahi, il faut le comprendre. Deuxièmement, تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Réaliser, concrétiser ce suivi spécial réservé seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi qu'on donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne parmi les hommes n'est en droit de le recevoir. On n'a pas le droit de suivre n'importe quel homme comme on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui-même, il est une preuve. Et les hommes après lui, il faut qu'ils argumentent leur position et leurs paroles. En eux-mêmes, ils ne sont pas une preuve. Mais il faut qu'ils prouvent ce qu'ils avancent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui-même, il est une preuve. Comme disent les ulama, « An-nabiyu hujjatun bi nafsihi, yuhtajju bihi, wal-alim yuhtajju lahu. » Il lui faut les arguments pour ce qu'il avance. Et le prophète, donc le suivi qu'on donne au prophète, dans tout ce qu'il nous enseigne, dans tout ce qu'il nous dit, ça c'est propre au prophète. Il est dommage de voir des gens, des fois peut-être par ignorance, volontairement, involontairement, suivre des hommes comme on doit suivre le prophète. Les soufis, et ne soyez pas étonnés, même si des fois on n'emploie pas tout le temps le mot soufi, mais ça vient de l'éducation soufie. Ce qu'on retrouve chez les Ikhwan, chez les Tablighs et d'autres, c'est que le fruit de l'éducation des soufis, puisque les fondateurs de ces mouvements étaient des soufis. Et ils ont hérité cela du soufisme. Ils demandent à la personne d'être face à son chir comme le mort devant le laveur. Vous imaginez, un mort, vous vous lavez, il n'est plus de ce monde. Tu fais du corps ce que tu veux. Eh bien, ils veulent que toi, l'étudiant, toi, le suiveur, toi, l'élève, le disciple, tu sois comme un mort devant lui. Il fait de toi ce qu'il veut. Wal'iyadu billah. Et tu ne poses pas de questions. Parce que lui, il est directement en contact avec Allah et il reçoit de la révélation. Wal'iyadu billah. Et ils disent que leur chemin, il est bien meilleur que ceux qui apprennent la religion. Parce que ceux qui apprennent la religion, ils l'apprennent de mortels. Alors que eux, ils l'apprennent directement du vivant qui ne meurt pas. Ça, c'est l'éducation soufie. Wal'iyadu billah. Shaytan rigole sur eux. Ils se moquent d'eux. Ce sont des diables qui viennent leur insuffler. Et ils pensent recevoir de la révélation. Wal'iyadu billah. Alors qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, elle a été interrompue. C'est fini. Et il n'y a qu'un prophète qui reçoit la révélation. Et il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne vous diront pas qu'un tel il est prophète. Mais lorsqu'on va bien examiner, ils lui ont donné des caractéristiques de prophète. Et si ce n'est des caractéristiques divines même. Wal'iyadu billah. Que lorsqu'ils disent que certains de leurs maîtres participent, contribuent avec Allah dans la gérance du monde. Dans la venue de la pluie, la tombée de la pluie, de la neige, des vents, des tempêtes, et ainsi de suite. Ils pensent que leur maître soufi, il participe à cela. Que le maître soufi a connaissance des secrets de la création. Un disciple soufi qui va voir un de ses maîtres, il lui dit, notre grand maître qui est dans tel pays, est-ce qu'il me connaît? Lui aussi, il est fou de poser cette question. Parce qu'il le sait très bien qu'ils ne se connaissent pas. Mais tellement qu'il est dans cette doctrine de soufi, il pose la question. Le maître qui est dans tel pays, est-ce qu'il me connaît? Lui, pour lui, genre, c'est un honneur que son maître le connaît. Il lui a dit, physiquement, il ne te connaît pas, mais il connaît le secret qui est au fond de ton cœur. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Même un prophète ne connaît pas ça. C'est propre à Allah, Azza wa Jal, à qui rien ne lui échappe. Il donne ça à des créatures. Wallahu al-musta'an. Donc, d'avoir ce suivi hein, qui est propre au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et déjà rien que dans ces deux points, ces deux repères qui sont la définition, la signification de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les deux témoignages de foi, les deux attestations de foi avec lesquelles on entre dans l'islam et on devient musulman. De n'adorer que Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer et de ne l'adorer que comme nous l'a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On voit déjà que là, regardez maintenant où est-ce qu'elles sont toutes les sectes par rapport à ça. On n'a pas cité les autres points. Là, les deux premiers points qui sont la base même de l'islam. Lorsque parfois tu vas dans des endroits, dans des mosquées, tu parles de tawhid, tu ne parles que de Allah Azza wa Jal. Et les droits d'Allah Azza wa Jal, des gens viennent te voir, ils te disent, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Ça fait 15 ans, 20 ans, 50 ans qu'il est dans l'islam. Jamais. Et vous pouvez me dire, on l'a occupé avec quoi? Qu'est-ce qu'on lui a enseigné à cette personne? Subhanallah. Il n'a jamais entendu parler des droits d'Allah Azza wa Jal. Allahu al-musta'an. Donc, on voit très bien. Mais surtout quand des gens vous le disent clairement. Un homme averti, comme on dit, il en vaut deux. Le tawhid, c'est une question de 10 minutes. Quelqu'un qui te dit ça, je pense qu'il t'a averti, qu'est-ce qu'il est? Ah, subhanallah. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, le tawhid, ce pourquoi Allah il nous a créés, subhanahu wa ta'ala, c'est une question que 10 minutes, il ne faut pas perdre son temps dedans. On n'invente rien. Les paroles, elles sont là. Wal'iyadhu billah. Thalithan, troisièmement, l'uzumu fahmi salafi salih radiallahu anhum lil'adillati shar'iyya wa adami al-khuruj an thalika. L'obligation de suivre, de comprendre les textes religieux, le Coran et la Sunna, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Donc les textes religieux, on se doit de les comprendre comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Et jamais sortir de cette compréhension. Jamais sortir de cette compréhension. Alors vous les entendez, hein, les gens du sectarisme, de la hizbiya, des hizbis de tous bords. Hein. Vous en avez certains qui n'ont aucune honte, qui viennent vous attaquer les gens qui essayent de se cramponner, de mordre à pleines dents pour ne pas être sortis de la droiture, dire « oui, mais ces gens-là, ce sont des moutons ». Vous avez déjà entendu ce genre de mots? Oui. Pourquoi il est où le problème? On s'arrête un peu et on va se poser la question. Il est où le problème? Qu'est-ce que ça veut dire d'être des moutons? C'est quoi le problème? C'est parce qu'un mouton, il suit? Il suit? Ben, c'est ce qui nous est demandé, de suivre le Coran et la Sunna. Et de ne pas dévier. Si c'est ça, être un mouton, ben, c'est ça. Voilà. Mais eux, ils vous disent ça, mais ils veulent que les gens les suivent sans se poser de questions. C'est agible quand même. Ça veut dire que toi, ton suivi du prophète, ils le veulent pour eux-mêmes. Tu ne te poses pas de questions. D'accord? Mais toi, quand tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure manière, ils viennent ramener cela. Mais ils ne le diront pas comme ça. Parce que dit comme ça, c'est... Ils vont vous dire, ouais, vous suivez des savants d'une manière que... Et toi, qui n'es même pas un savant, je ne sais même pas qu'est-ce que tu es. Est-ce que tu es une roue de secours? Peut-être même pas une roue de secours. Tu ne peux pas servir de roue de secours, peut-être. Il n'y a qu'Allah qui sait, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Tu as des gens qui te suivent et qui t'écoutent, ils ne se posent pas de questions. Ça ne te dérange pas. Subhanallah. Et ceux qui te dérangent, c'est ceux qui se posent des questions. Et de l'autre côté, tu veux détourner les gens de leur bon suivi de l'islam pour les emmener où? Donc ne vous faites pas avoir. Ne perdez même pas votre temps à la base avec des personnes qui n'en valent même pas la peine. Et parmi les règles dans l'islam, on n'entre pas dans les polémiques. Lorsque tu sais que tu es dans le droit chemin, c'est une certitude. Ce n'est pas, je crois que l'islam c'est la vraie religion, donc je vais dedans. Non, il n'y a pas de certitude là-dedans. Il n'y a pas de certitude là-dedans. Tu es dans le doute. Hein? Tu as une pensée qui est positive, mais elle peut pencher. Ce n'est pas bon. C'est une certitude. Je suis sur une certitude de ma religion. Va vers quelqu'un qui est dans le doute comme toi. Va discuter avec quelqu'un qui est semblable à toi, comme toi. Il ne sait pas où est-ce qu'il est. Parle avec lui. Il est perdu dans la nature. Discute avec lui. Ne perdez pas votre temps. C'est Allah qui guide qui il veut et les gars qui il veut. Si dans ton chemin, il y a quelqu'un qui se présente et qui cherche quelque chose réellement et que tu peux l'aider, alhamdoulilah. Quelqu'un qui vient pour te perturber, ne le laisse pas te perturber. Quitte-le. Les polémiques, c'est des maladies en général. Et ça rend malade. Et ceux qui polémiquent, on les voit, ils ne tiennent pas debout. Un jour ils sont là, et un jour ils sont là, et un jour ils sont là, et un jour il n'y a plus de religion, complètement. Complètement, plus de religion. Plus de religion. Et ça, les gens d'avant, qui suivaient des écoles de pensée, ils l'ont, ilm al-kalam, la rhétorique et tout ça, ils l'ont connu. Et il y en a qu'Allah, il leur a permis de revenir à la fin. Ils ont vécu, ils ont été dans les écoles jusqu'à devenir des maîtres dedans. Ils quittaient école après école, école après école. Et parmi eux, il y en a, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a voyagé. On est entré dans toutes les écoles. Et étudié ce qu'ils ont. Pour à la fin mourir avec la croyance des vieilles femmes de Nishapur. Le Nishapur, c'est Nishapur. C'est une région connue en Asie. Subhanallah. Ces vieilles dames, de simples musulmanes, elles lisent le Coran, elles sont sûres que c'est la parole d'Allah. Elles croient en tout ce qu'il y a dedans, d'un point de vue général. Elles ne sont pas savantes, mais elles ont une croyance qui est saine. Elles n'ont jamais polémiqué là-dessus. Et cet homme, il dit quoi? Pour certains, peut-être qu'il est montré du doigt comme étant un maître. Il dit pour à la fin finir avec la croyance des vieilles femmes. Ça veut dire qu'il a tout délaissé, ce genre de choses. Perte de temps. Et l'islam, la salafia qui est l'islam authentique, ce n'est pas une expérience. Je rentre dedans, je regarde. Est-ce que... Non, non, ce n'est pas une expérience. Il y a des gens qui vous disent, j'étais avec les salafis, mais... Non, on ne sait pas t'étais avec qui. Exactement. On ne sait pas. C'est pas physiquement peut-être, mais à l'intérieur, on ne sait pas t'étais avec qui. Il n'y a qu'Allah qui sait, subhanahu wa ta'ala, ta réalité. Qu'est-ce que tu étais, quelle était ton intention? Allahu a'lam. Puis même si tu l'avais été, il y en a, ils étaient musulmans et puis ils ont quitté l'islam. Ils ont apostasié. Vous comprenez? Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est mieux ce qu'il y a dans ton cœur. Et tu as dévié et tu t'es égaré du droit chemin. Ce n'est pas... Une personne qui a grandi en France et puis elle se retrouve chiite. Il dit oui, et puis il va témoigner pour les chiites dans leurs médias. Oui, oh, on a un témoignage de quelqu'un qui était sunnite. La personne, elle ne sait même pas qu'est-ce que c'est le sunnisme. Elle ne sait même pas qu'est-ce que c'est l'islam. Elle dit, avant j'étais sunnite, tu étais sunnite que de naissance. Mais qu'est-ce que tu as vécu de sunna? Qu'est-ce que tu connais de la sunna? Rien du tout. Subhanallah. Et il pense, voilà, la preuve comme quand on est dans le vrai, on a le témoignage de quelqu'un qui a vécu ça. Wal'iyadhu billah. Ça, les juifs l'avaient dit auparavant. Entre eux, ils avaient dit quoi? Pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans le droit chemin, que certains d'entre eux entrent dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, ils la quittent. Ils y entrent le matin et le soir, ils la quittent. Comme ça, ils disent, ouais, on est parti regarder, en fin de compte, c'est pas ça. Subhanallah. Il faut faire attention. Donc, d'être le Coran et la Sunna, la véritable lecture des textes, la véritable compréhension des textes, c'est celle des plus prédécesseurs. Voilà ce qui est voulu par les textes. Et non pas comme certains disent, tu as ta lecture, j'ai ma lecture. Toi, tu as compris comme ça et moi, je comprends comme ça. La langue arabe à elle seule ne suffit pas. Elle ne suffit pas. C'est un outil important. Puis une parenthèse importante. La langue arabe, c'est la langue du Coran et de la Sunna. La langue du prophète, alayhi salatu wa salam. Elle a toute sa place. Mais certains se trompent lorsqu'ils en font un objectif seulement. Alors que c'est un outil indispensable, mais ce n'est pas un objectif. Combien ont la maîtrise de la langue arabe, mais ils sont dans la mécréance. Il y a des prêtres maronites libanais, il y a des coptes, de l'église copte en Égypte. Ils ont la maîtrise de la langue arabe. Vous n'avez rien à leur apprendre en langue arabe. Mais ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Et il y en a qui sont... Ils ont un très bon niveau dans la langue arabe. Et ils sont dans les sectes égarées. Donc de croire que la cause de l'égarement des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas la langue arabe, ce n'est pas complètement vrai. En partie, mais pas complètement. Hein, pas complètement. Les gens oublient celui qui détient les cœurs. Celui qui guide qui il veut et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Ils oublient Allah, subhanahu wa ta'ala. En pensant que c'est, ah, c'est il me faut ça. Et puis lorsqu'ils apprennent l'arabe, hein, et c'est pour ça que vous en voyez, ils sont éblouis. Oh, mashallah, comment ils parlent bien l'arabe. Mais c'est pas un tout de parler l'arabe. Mais tu peux parler l'arabe comme tu veux, tu n'atteindras jamais le degré d'Abu Jahl. Tu n'atteindras jamais le degré d'Abu Lahab. Des purs produits arabes. Mais ce sont des ennemis du prophète. Ils n'ont jamais accepté l'islam. Et Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un pourrait parler de sa lignée. C'est une lignée qui est noble, de tribus arabes. Ils n'y ont aucun souci là-dessus. Allah, il a révélé Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab. Voilà la finalité. Il se retrouvera dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Ibn Am, l'arabe a sa place. Et ce qui est demandé à, en général aux gens, c'est d'avoir un minimum d'arabe. L'approfondissement de l'arabe, c'est pour une catégorie, une partie des gens. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Donc les gens, des fois on voit, c'est bien, ils mettent en place des instituts, des programmes, des écoles et tout, et j'espère qu'ils sont sincères et qu'ils veulent le bien de la communauté. Biznillahi tabaraka wa ta'ala. Là, c'est pas le problème. Mais de là, de faire croire que c'est l'objectif et ainsi de suite, et après certains, lorsqu'ils rentrent dedans, c'est bien de prendre goût à la langue. Mais il faut pas oublier que c'est un outil qu'on en a besoin pour bien comprendre la religion. Et ce n'est pas un objectif en soi. On en a vu, il voyait quelqu'un qui n'a rien à voir avec la sunna, rien à voir avec le prêche des prophètes, mais parce qu'il a de la poésie, il a une belle langue, et les gens sont attirés par lui. Subhanallah. On en a vu même parfois qu'il monte sur le mimbar, qu'il prenne la parole. Ou dans un cours, les gens dans le public, c'est quoi qu'ils retiennent? Oh, t'as vu le niveau d'arabe? C'est ça le but de la khutba. C'est ça le but du cours. C'est bien pour dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut bien comprendre. La langue arabe, elle a toute sa place. Elle est indispensable, surtout pour talib al-ilm, celui qui étudie la religion. On ne peut vraiment comprendre convenablement la religion si ce n'est par le biais de la langue arabe. Mais la langue arabe est un outil. Dans les études islamiques, il y a des matières qui sont des outils. On en a besoin. On en a besoin. Tu as des gens, par exemple, ils sont professeurs de Mustalah al-Hadith. La technique du Hadith. Ils sont là et ils ont appris par cœur. Et à force de donner des cours, ils retiennent les leçons. Le Hadith da'if, voilà sa définition, toutes les différentes catégories de da'if. Et voilà, ils connaissent ça et ils n'ont rien à voir avec la sunna. Subhanallah. Et les gens, et voilà. Il y en a, subhanallah. Et que dire de ceux qui vont se servir de ça pour combattre la sunna, pour dire aux gens que tel texte il est bon, il n'est pas bon, mais en réalité, chez les vrais ulama du hadith, c'est tout le contraire. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, ce grand imam de la sunna et du hadith, il parle par exemple d'un grand imam de l'égarement qui est mort dans les années 50, qui s'appelle Mohammed Zahid Al-Kawthari, qui était comme le shir des savants de l'époque ottomane, dans l'Empire ottoman, le sultanat ottoman, de Mohammed Zahid Al-Kawthari. Mais c'était un ennemi de la sunna. Et il avait tellement une grande culture générale, une connaissance, il s'en servait et il touchait au narrateur. Il rendait faible et il rendait fort comme narrateur qu'il voulait selon son madhhab et selon sa conviction et sa croyance. Et Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, lorsqu'il est questionné sur Al-Kawthari, il y a un grand savant, un imam de la Sunna, qui est un grand savant du Yémen, qui s'appelle Abdurrahman ibn Yahya al-Yamani. Abdurrahman ibn Yahya al-Yamani, rahimahullahu ta'ala, qui est un grand savant du hadith, et qui était en Inde pendant très longtemps. Il a fini sa séjour dans les années 60 à Mecca, rahimahullahu ta'ala. Il a écrit un livre en réponse à Al-Kawthari. Mais là, c'est technique. Ça touche les narrateurs. Et donc, il a écrit un livre pour répondre aux erreurs et aux fautes de Al-Kawthari. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il est questionné sur Al-Kawthari, il a dit que cet homme-là, à son époque, il était pratiquement celui qui avait la plus grande connaissance dans le, sur le domaine des narrateurs. Walakin adallahu Allahu ala ilm. Mais Allah, il l'a égaré sur une science. Allah, il l'a égaré sur une science. Et dans la même question, on lui pose la question sur Mohamed Al-Ghazali. Mohamed Al-Ghazali était connu pour quoi ? Il avait une facilité à l'écriture. Il y en a, ils ont de la facilité. Hein, il a une facilité à exposer ses pensées. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout ce que tu veux partager, tu arrives à l'exposer. Même à la parole, il y en a qui n'y arrivent pas. Subhanallah. Il y en a, ils ont cette facilité-là. Et lui, il l'avait à l'écrit. Il avait une plume. Hein, il écrivait tout ce qu'il voulait. Mais lorsqu'on lui a posé la question sur Al-Kawthari et Al-Ghazali, Mohamed Al-Ghazali qui est mort en 1996, l'Égyptien. Il a dit quoi ? Il a dit « Wa amma al-Ghazali fa ummiyun fil hadith ». Et en concernant le Ghazali, c'est un illettré, un analphabète dans le sujet du hadith. Dans le sujet du hadith. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc, la compréhension des pieux prédécesseurs. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, lorsque il nous est rapporté des salafs, deux commentaires pour un verset coranique, on a deux commentaires. On va à la recherche de ce que les salafs ont dit concernant tel verset coranique, et on se retrouve avec deux explications. Tu n'as pas le droit de ramener un troisième commentaire. Il t'est interdit de ramener un troisième commentaire. À leur époque, ils se sont contentés d'avoir deux explications. Donc, il faut rester autour de ces deux explications. Interdiction de ramener une autre explication. Et les gens de l'égarement, parmi les Ikhwan et d'autres, parmi les moyens pour détourner la communauté, ils savent que la plupart des gens sont dans une insouciance. L'ignorance, elle prime sur eux. Et le borne, comme vous le savez, il est maître et guide chez les aveugles. Donc, il ramène des sujets sur lesquels, à l'époque des salafs, il y avait des divergences. Et surtout quand ça concerne les branches de la religion, dans les règles de la salat, de la zakat, et ainsi de suite. Regarde, ils ont divergé là, et là, il y a plusieurs opinions. Et ça n'a pas enlevé l'amour qu'il y avait entre eux, la compassion. N'est-ce pas? On entend ce genre de phrases. Et ainsi de suite. Donc, ils cheminent. Ils viennent à toi pour gagner ton cœur et t'emmener avec eux dans la déviation. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de diverger. Ceux qui vous font croire qu'on sera unis sans aucune divergence, ça n'existe pas. Donc, ils vont lui prouver. Mais lui, il ne fait pas la distinction. Où il n'a même pas prêté attention à ce qui lui est dit, que ce sont des sujets sur lesquels le sunna reconnaît qu'il y a divergence. Et que cette divergence-là ne ramène pas d'animosité ni d'adversité entre les gens. ou une adversité qui est acceptée, et pour après les faire tomber dans une divergence qui est interdite dans les bases et les fondements de la religion. Wallahu al-musta'an. Rabi'an, quatrièmement, al-hadar wa al-tahdhir min al-bid'ati wa al-mubtadi'a. D'être averti sur ses gardes et mettre en garde, avertir contre l'innovation et les innovateurs. Donc ça aussi c'est un des grands signes qui distingue les salafis des autres. L'histoire n'est pas de mettre en garde, parce qu'il y en a qui vont vous dire « Ouais, mais tout le monde met en garde contre tout le monde. » Pour dire « Ah, je comprends plus rien, moi, tout le monde met en garde. » Non, mettre en garde contre les innovateurs. Mettre en garde contre les gens de la droiture, ça c'est interdit. Tu n'as pas le droit de mettre en garde contre les gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un problème dans cette personne. Mettre en garde contre et avertir contre les innovateurs et l'innovation. Alors comment faire avec des gens qui viennent te dire « mais il y a des bonnes innovations » alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, en personne, il a dit « toute innovation est un égarement, toute ». Sans exception. Et ils viennent contredire le prophète alayhi salatu wa salam. Khamisan, cinquièmement, al-wasatiyya bayna al-ghuluwi wal-jafa. Ce qui les caractérise, les distingue aussi, c'est qu'ils sont dans le juste milieu. La salafiyya, c'est le juste milieu entre l'excès, l'exagération et le laxisme, le relâchement, le délaissement. Donc, c'est un juste milieu. Il se contente de faire, d'accomplir ce qui est demandé. L'excès, l'exagération, ils font plus que ce qui est demandé. Ils outrepassent. Et le laxisme, le délaissement, ceux-là, ils ne font pas tout ce qui est demandé. Donc, as-salafiyya, c'est le juste milieu. Et honte à ces gens qui sont malhonnêtes parmi les égarés, qui savent au fond d'eux. Peut-être ceux qui répètent, ils ne savent pas, ils répètent, ils ont une bonne pensée de leur leader, mais leurs leaders savent qu'ils sont des menteurs. Au fond d'eux, ils savent que c'est des menteurs. Parce qu'il y a un ou deux ou trois personnes parmi les gens qui se reconnaissent dans la salafia ou des salafis, mais qui sont des êtres humains. Ils ont leur part d'erreur et de négligence. Ils ont leur part de péché. Et leurs agissements, ils le mettent au nom de la salafia. Ils ressemblent en cela aux mécréants, dans l'agissement. Qui, lorsqu'ils voient un ou deux ou trois musulmans faire quelque chose de mal, l'imputer à l'islam. Et lui, il est le premier à dire, non, les musulmans, nous, l'islam, il interdit cela. Mais puisque tu reconnais qu'il ne faut pas généraliser, pourquoi toi, tu le fais? Pourquoi interdis-tu ce que toi, tu ne t'interdis pas? Subhanallah. Est-ce halal pour toi, haram pour les autres? Et ça, c'est un problème chez eux. Wal'iyadu billah. Sadisan. Sixièmement, al-thabatu ala al-haqqi. La fermeté. Il reste ferme sur la vérité. Sabi'an, septièmement, al-hirs ala al-ijtima' wa al-i'tilaf ala al-haqqi wa bil-haqqi. Cet engouement, cette volonté de rester unis dans l'union, mais pas n'importe quelle union, pas n'importe quelle unité, pas n'importe quel regroupement, mais sur la vérité et avec la vérité. Thaminan, huitièmement, nabzu al-furqati wal-ikhtilaf. Donc, il repousse, il rejette la division, la scission, la discorde et la divergence. Tasi'an, huitièmement, al-hirs ala tahsil al-ilm an-nafi' wa nashrihi bayna an-nas wa da'watihim ilayhi ma'a as-sabr ala al-adha fihi. Cet engouement, cette volonté d'apprendre et d'étudier et d'acquérir la science, le savoir bénéfique et de le diffuser, le propager au sein des gens et de les inviter à cela avec patience et endurance sur la nuisance qui pourrait ou le mal qui pourrait les toucher. Ashiran, dixièmement, al-amalu bil-ilm. Ils pratiquent, ils appliquent leur savoir. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله donc il y a le frère qui est là, le frère Youssouf de l'association Al Bunyan. Non, faut l'enregistrement s'arrêter. À toi ? Non, Inch'Allah, pour ceux qui auraient ramené, Youssouf, tu es là ? Voilà, alhamdoulilah.